première question, c'est en voyant les films, en voyant tous les films, je me suis replongé dans Hans Bellmer, qui parle de la poupée. Jest świat, w którym właśnie mówi o laleczkach. Et qui dit que ce qui l'intéresse lui, c'est d'avoir le sentiment intérieur de la poupée. Et ça me faisait penser à ça en voyant les films. Comment lui travaille justement ses sentiments pour donner ses sentiments sur ses marionnettes. Swoje uczucia. To jest przede wszystkim gra. Po pierwsze, przypomina chyba bardzo pantomimę, jednak, ponieważ nie ma słów w ogóle. Ça ressemble beaucoup à une pantomime, parce que justement il n'y a pas de parole. A druga sprawa to są sytuacje, które okazuje, w które są jakby uwikłane postacie i to razem z tym, z tą jakby ich grą mimiczną, grą ciała, daje nam pewne informacje, które powodują jakieś głębsze przeżycia. Et je montre les situations dans lesquelles les personnages se retrouvent. Et justement, la mimique de ce personnage, les situations, montrent les sentiments de mes personnages, de mes héros, de mes films. Sauf qu'il y a une grande différence entre travailler sur une grande marionnette, donc commencer à taille humaine comme ça, et une petite marionnette. Je suppose que la relation avec les marionnettes n'est pas la même. Tak, jest różnica, na pewno. Il y a une grande différence. Małe marionetki przypominają właśnie bardziej marionetki, a jeżeli poruszamy się w drugą stronę, zbliżamy się coraz bardziej do kopii człowieka i jest niebezpieczeństwo, że nagle ta wielka marionetka przestanie być marionetką. Avec les petites marionnettes, c'est plus facile parce que les petites marionnettes, ce sont véritablement poupées marionnettes. Plus on s'approche à la taille humaine, il y a un grand danger de mélanger, de confondre la marionnette et un être humain. Et alors justement, sur Internet, et on voit un making-of, enfin un petit tournage du premier film, et il y a une scène étonnante avec des animateurs qui portent les marionnettes. Justement, est-ce que c'est intéressant ce rapport-là, en effet, avec l'être humain? Est-ce qu'on a l'impression de donner, on a l'impression qu'on travaille un être humain et qu'on lui réapprend comment vivre? Ja myślę, że to jest najbliższa relacja, jaka może zaistnieć między lalką a twórcą. Ja siebie stawiam jakby poza animatorem. Myślę, że animator ma o wiele bliższą relację ode mnie. Je pense que c'est une relation la plus proche qui puisse exister entre animateur et la poupée. Je ne suis pas un animateur à ce moment-là. Moi, je suis un metteur en scène. Mais c'est l'animateur qui a une relation toute proche avec la poupée qu'il anime à ce moment-là. Est-ce que c'est important, justement, dans l'écriture du scénario, de se dire, ah ben, la marionnette est petite ou grande, et donc l'animateur va être différent? Je pense que c'est ça. Un bon animateur devrait avoir... relację, dobrą relację z lalką każdego rozmiaru, oczywiście. Mhm. Un bon animateur, il doit avoir une bonne relation avec toutes sortes de poupées, des petites et des grandes. Oczywiście są te lalki duże, sprawiają na pewno więcej fizycznego wysiłku. Bien sûr, les poupées très grandes, ils sont beaucoup plus difficiles et ils sont beaucoup plus fatigants physiquement, tout simplement. Ale również te malutkie lalki są trudne w operowaniu, ponieważ wszystko jakby maleje razem z lalką. Mais les petites poupées sont aussi difficiles différemment parce que les mouvements tout diminue avec les petites poupées. Les mouvements chaque mouvement il est divisé à séquences beaucoup plus petites. W pewnym momencie animator zaczyna przypominać zegarmistrza, który naprawia mały zegarek. À certains moments, l'animateur ressemble à un horloger qui répare une montre suisse. Et il vient de dire qu'il n'animait pas. Est-ce que à partir de quand il a... Powiedziałeś, że ty nie robisz już animacji. Od którego momentu przestałeś poruszać się marionetkami? Uczestniczyłem w animacji przy pierwszym filmie i przy drugim, to czyli znaczy? Dim i Om. Że animé les personnages de Dim et de Om. I On to był taki film przełomowy dla mnie, ponieważ doszedłem do wniosku, że aby dalej robić filmy animowane, Homme, c'était vraiment un passage très important parce que je me suis rendu compte que pour pouvoir continuer à faire les films d'animation, muszę jakby wszystkiego dotknąć sam, a później od tego odejdę, jak już będę wiedział, na czym to polega. et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il faut que je touche à chaque moment de l'animation, de production. Et après, quand je l'aurai su, je pourrais continuer et j'avancerai différemment et ailleurs. Także tam robiłem lalki sam, dosłownie wszystko, łącznie z konstrukcją, robiłem animacje, pisałem scenariusz, reżyserowałem. Po prostu to był film zrobiony prawie przez jednego człowieka, ale to tylko po to, żeby samemu tego doznać. À Homme, j'ai fait quasiment tout. J'ai fait les marionnettes, j'ai fait les articulations, j'ai fait la décoration, j'ai les animés, j'ai fait les scénarios, tout. Mais c'est vraiment un film quasiment d'un auteur. Mais c'était aussi pour connaître chaque étape, chaque moment de production du film. Alors, si on regarde un peu la filmographie, est-ce qu'on peut dire que, alors, je suis désolé pour March and Builder, est un peu un. On a l'impression que, alors, j'ai malheureusement pas vu. Je sais pas qu'il y a des films-là. J'écris pas très bien. Je suis désolé. De 1993, qu'on n'a pas vu en fait. Ici, que j'ai vu dans sa. Peut-être pas bien. To jest film z 1993 roku, który nie był tutaj pokazywany. C'est sur une To filmographie. jest karton. Jak to się nazywa? Non, c'est après Dim. Co się? Wiesz, tak, Co się? co się komuś śni chyba. A To jest qu'est-ce qu'on film rêve? dla dzieci, C'est un film pour les ah, enfants. oui. Carton. D'accord, C'est comme un ceux carton, avant non? qu'on a vu, comme celui qu'on a vu. C'est un carton. D'accord, donc c'est encore mieux par rapport à ce que je vais dire. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a trois films, donc Dim, Homme et Match and Builder, qui sont des films en fait d'intérieur? Tak, jakkolwiek Merchant Builder już jakby trochę jest opowieścią bardziej taką rozszerzoną, bo tam jest więcej lalek i te przestrzenie się zmieniają, nie są już tak klaustrofobiczne jak w tych pierwszych dwóch. Dans le Machine Binaire, il y a déjà beaucoup plus de poupées que dans les premières, et puis surtout, il y a beaucoup plus d'espace. C'est beaucoup moins claustrophobe comme film, parce que les personnages, il y a des horizons un peu plus grands que dans les deux premiers. Pas tant que ça. Ni d'accent que Je de l'ai revu, je l'ai vu en entier, donc j'ai eu la chance de le voir ce matin. Et en fait, dans la forêt, c'est assez sombre. Quand ils sortent à un moment donné dans des rues, c'est assez sombre. Et quasiment, le moment où c'est le plus éclairé, c'est au moment du générique. To nie tak całkiem do końca, że to są takie mniej klaustrofobiczne, dlatego że w lesie jest bardzo ciemno, uliczki są bardzo ciemne i tak naprawdę moment najbardziej jasny tego filmu to jest początek, jest anons tytułu filmu. I ona. Tak, ale jakby tam po raz pierwszy w swoim filmie wyszedłem w przestrzeń. To była oczywiście też dziwna przestrzeń, nierealistyczna, skomponowana z jakichś starych gratów, ale to jednak po raz pierwszy wyszedłem poza cztery ściany pokoju. C'est la première fois que je suis sortie quand même de la chambre avec les quatre murs, même si l'espace est fait d'objets très divers et variés, de choses assez bizarres. Mais c'est quand même plus loin qu'une chambre. Oui, avant il n'y avait que la fenêtre qui permettait de voir le dehors. Przedtem było tylko okno, przez które można było zobaczyć świat. Mais il y a une grande différence, et Ichtys, Jest duża justement, różnica d'un z seul coup, Ichtys. on a l'impression que Monsieur Strasser découvre la lumière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau. W Ichtys nareszcie odkrywa, że istnieje światło. Czy to jest coś nowego? Tak, to jest coś nowego. Po raz pierwszy właśnie przeciwstawiłem jakby tą szeroką, otwartą przestrzeń, też pewnej klaustrofobicznej jednak sytuacji, bo to, że ta świątynia czy ta restauracja jest duża i jakby przytłacza go swoim ogromem, to jednak stanowi również jego zamknięcie, właściwie na całe życie. Oui, non, parce que bien sûr, même s'il y a l'espace, la mer, on est à l'extérieur, ce restaurant ou un temple, on ne sait pas exactement, malgré tout, c'est un endroit où il est enfermé pendant toute sa vie, on peut dire presque c'est toute sa vie, c'est quand même claustrophobe. Donc, C'est pour ça que je disais bien la lumière. C'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose, en effet, on reste à l'intérieur, mais c'est plus, par contre, c'est plus lumineux quand même. Dlatego powiedział, że to jest w dalszym ciągu zamknięcie, ale jest już światło, jest to Tak, dużo tak. jaśniejszy film kolorystycznie. Tak, oczywiście. Bien sûr. Zgadzam się. Ce qui va nous amener à Danny Boy, qui finalement, là, on sort beaucoup plus. I to pozwala zadać następne pytanie i porozmawiać o Danny Boyu, który właśnie dzieje się na zewnątrz. Est-ce que c'est quelque chose qui m'a étonné en voyant tout? J'ai l'impression que Danny Boy était beaucoup plus désespéré, alors que beaucoup plus clair, beaucoup plus à l'extérieur, que finalement ceux d'avant qui étaient. Parce que dans Danny Boy, on a une société entière, alors qu'avant, on a des individus finalement. Tak, jednocześnie wiedziałem, że to nie będzie może najweselszy film, ale jednak starałem się jakby te złe wiadomości podawać stopniowo. Je savais parfaitement que ça ne va pas être un film gay, mais je voulais donner les mauvaises nouvelles d'une façon petit à petit, tout doucement et graduée, d'une façon graduée. Tam na początku zdarzają się rzeczy takie dosyć bzdurne. Ten napad na bank również można traktować w kategorii pastiszu filmu gangsterskiego. Au début, il se passe des choses presque drôles, presque qui n'ont pas beaucoup d'importance. Même l'attaque à la banque, c'est peut-être un pastiche d'un film de gangster. Ce sont des choses qui, à vrai dire, ils sont pas très importantes. Ale jakby coraz ta atmosfera coraz bardziej się zagęszcza. Mais l'atmosphère, elle devient de plus en plus pesante au fil du film. Zaczynamy podejrzewać głównego bohatera, że jest doprowadzony do ostateczności i za chwilę coś złego może zrobić. Nie wiemy tylko co. On commence à se rendre compte que le héros, il commence à arriver au point de non-retour. Il va faire quelque chose de mauvais, mais on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Et est-ce que justement à la fin ce. Comment est écrit, juste avant de demander d'autres questions, comment est écrit justement ce film? Parce qu'on a tellement l'impression qu'il est différent de ce qu'il y a avant. On powstawał jakby poprzez wchłonięcie różnych takich rzeczy, które początkowo ze sobą nie miały nic wspólnego. Ce film a été créé par une absorption des choses qui n'avaient au début aucun lien l'un avec les autres. Zobaczyłem kiedyś przy pracy nad czymś innym zupełnie lalkę bez głowy, bo akurat animator zmieniał jedną główkę na drugą. Un jour, en travaillant sur un film complètement différent, j'ai vu une poupée sans tête parce que l'animateur, justement, a enlevé la tête pour la changer. I nagle zrozumiałem, że ja mogę zrobić lalkę, która będzie żyła, ale nie musi mieć wcale głowy. Et, un jour, et ce jour-là, je me suis rendu compte que je pourrais faire une poupée qui n'aura pas la tête et pourtant elle vivra. Wydawało mi się to tak surrealistyczne, że po prostu ten pomysł do mnie przylgnął na długi czas. C'est tellement surréaliste pour moi que cette idée, je le portais en moi pendant très très longtemps. I jakoś tam w podświadomości ciągle o tym myślałem, co z tym zrobić, bo sam pomysł był interesujący, ale to jeszcze za mało. Trzeba było jakby dopisać do tego historię. Et dans mon subconscient, je gardais cette idée pendant très longtemps, mais déjà, l'idée d'avoir un personnage sans tête, elle était intéressante, mais ça n'était pas suffisant, donc il fallait avoir une histoire qui va avec. I nagle z drugiej strony, nie pamiętam jak, usłyszałem piosenkę Danny Boy, którą oczywiście już wcześniej też słyszałem. I doszłem do wniosku, że to jest taka piękna melodia, że może by jakoś te dwie rzeczy z sobą połączyć. Et je connaissais bien entendu déjà la chanson Danny Boy et je l'ai réécoutée un jour et j'avais une sorte d'illumination. Je me suis dit que si je pouvais lier ces deux choses-là, la poupée sans tête et cette chanson que j'adore. No i zacząłem myśleć, aż w końcu krok po kroku doszedłem do tej historii. Te poszczególne epizody powstawały po kolei, a na końcu jakby ta katastrofa 11 września no, zamknęła cały film. To wszystko nie było od razu wymyślone. Toute l'histoire, elle n'était pas écrite, elle n'était pas inventée tout de suite. Les épisodes, les uns après les autres, arrivaient, je les inventais au fur et à mesure des créations du film. Le dernier épisode qui fait penser à 11 septembre, c'était la dernière chose qui est arrivée. Et c'est ça qui a fermé, qui en fait qui clôture le film, mon film. On a l'impression quand même de quelque chose de, entre guillemets, plus classique dans la narration. C'est-à-dire que dans les autres, on est quelque chose, hein, on est avec des personnages, on est avec eux, alors que là, on regarde une histoire, on est un petit peu plus en retrait. Tak, bo po raz pierwszy przestałem się koncentrować wyłącznie na jednym bohaterze. C'est la première fois que j'ai cessé de me concentrer sur un seul héros. On tam istnieje, jest ważny, jest tytułowym bohaterem, ale jednak interesuje nas ogólnie, co tam się dzieje i co niekoniecznie jego dotyczy. Bien sûr, on s'intéresse à Danny Boy, on s'intéresse au personnage principal, on s'intéresse à ce qu'il fait, mais on s'intéresse aussi aux autres personnages qui vivent à côté de lui. On s'intéresse à tous les personnages, il y en a 50 dans le film. 50 jest postaci. Il y a 50 personnages quand même dans le film. C'est un peu fou, non, d'écrire un scénario avec 50 personnages, alors qu'avant c'était plutôt de personnages, enfin beaucoup moins de personnages, ici il n'y en a que deux. To prawda, ale jak myślę nad czymś, to zawsze postanawiam sobie jedno, żeby nie stawiać sobie jakichś barier w postaci jakichś technicznych hamulców, które... Znaczy, nie myślę w ten sposób. Czy to się da zrobić? Nigdy nie myślę. Zawsze ważniejsza jest historia, a później dopiero martwię się, jak to zrobić. Quand je suis en train de penser à mon film, je ne me donne jamais des barrières. Je commence jamais, est-ce que je pourrais le faire, est-ce que j'arriverai à le faire. Pour moi, l'histoire et le scénario, c'est une chose la plus importante. Et c'est après que je commence à me poser la question, comment je vais réussir à montrer ce que j'inventais dans mon scénario. Donc ça, il faut avoir derrière un producteur ou un studio qui permette de faire ça. Tak, ale wbrew pozorom ten film był tańszy niż film Ichtys i on pomimo, że ma 50 lalek, to miał bardzo tanie dekoracje, zrobione tak jak w teatrze, ze sztucznego tworzywa, które kosztowały niewiele i wcale nie był droższy. Malgré les apparences, c'est un film qui coûtait moins cher que Ichtys et les autres. Les décorations sont beaucoup plus simples, c'est comme au théâtre, fait avec les matériaux qu'on utilise dans le théâtre. Donc ça coûtait pas plus et probablement moins que les autres. Et en plus, les personnages n'ont pas de tête. Ichtys et les autres, ils n'ont pas de tête, donc c'est plus facile de se trouver. C'est extrêmement important. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? Le dernier plan est terrible, donc 2001, parce qu'on est là 2001, on a l'impression d'avoir donc l'attentat bien sûr en septembre, et on a ces deux personnages qui ressemblent à du Chaplin, sauf qu'ils n'ont pas de tête, et que lui s'est coupé la tête, plutôt que de se battre, il s'est coupé la tête, est-ce que c'est... Donc on a l'impression d'une conclusion assez terrible. Ja myślę, że to jest... Bo Chaplin pod koniec życia jednak chyba przestał się bić. Je pense que Chaplin a cessé de se battre à la fin de sa vie. Wyjechał ze Stanów. Il est parti des États-Unis. Ale myślę, że mój bohater jednak odniósł połowiczne zwycięstwo, bo odzyskał ukochaną. Mon héros, il a gagné à moitié, il a eu son amoureuse. Także uważam, że ten koniec jest taki... Chciałem, żeby budził dwojakie uczucia. Nie wiadomo do końca, czy bohater więcej stracił poprzez ścięcie swojej głowy, czy więcej zyskał poprzez odzyskanie dziewczyny. Je voulais que la fin soit très double. On ne sait pas exactement si le héros a gagné plus ou perdu plus. Est-ce qu'il a perdu plus en coupant la tête ou gagné plus en trouvant une femme peut-être de sa vie? Donc c'est plutôt au spectateur là de. Peut-être que si je trouve la fin triste, c'est que c'est moi en fait et non pas. J'ai ouvert comme quand il dit smutny, to znaczy, że ja jestem smutny. Nie, ja myślę, że po prostu każdy ma prawo odczuwać to po swojemu. Ja też nie uważam wcale, że to jest wesoła historia. Je pense que chacun doit ressentir cette histoire à sa façon. Moi, personnellement, je ne crois pas non plus que c'est une histoire gay. Hein. Pour parler un peu plus large, est-ce que j'ai l'impression que le cinéma polonais d'animation aujourd'hui, quand on voit, a complètement changé? To jest tak, ja wychowałem się na tym takim kinie, które odnosiło w latach 60. na największe sukcesy na świecie. Moi, je suis élevée dans sur les cinémas. J'ai regardé les films dans les années 60. C'était les films qui avaient beaucoup de succès dans le monde. I jakby, no cały czas te filmy mam w pamięci. Et ce sont les films qui sont restés dans mon esprit jusqu'à maintenant. Ale jednocześnie sam robię zupełnie coś innego. Mais en même temps, mes films à moi sont absolument différents que tout ce que j'ai vu dans ma jeunesse. I muszę powiedzieć, że jakkolwiek swoim studentom zawsze po prostu zalecam, żeby te filmy obejrzeli. À mes étudiants, j'ai dit toujours qu'il faut absolument voir tous ces films-là. To jednak to są ludzie, którzy już jakby czerpią wzorce zupełnie z innych źródeł. Mais mes étudiants, malgré tout, ils ont des exemples, ils puisent les exemples dans un cinéma différent que moi, dans les années, des films des années 60. Ja jakby posługuję się innym językiem w sensie formalnym. Mon langage, d'un point de vue formel, il est quand même différent. Ale również tak jak tamci autorzy tych filmów wycinankowych głównie z lat 60. staram się przekazywać jakieś takie głębsze myśli w sposób bardzo skrótowy. Mais en même temps, comme les auteurs des années 60 qui utilisaient des méthodes de dessin ou de découpage, j'essaie de faire comme eux, ça veut dire j'essaie de passer les idées compliquées d'une façon très simple. Mais justement, on a l'impression que c'est presque un. Ben voilà, par rapport, alors je prononce mal, hein, désolé, mais tout ce qui est Piotr Dumala, enfin Cheśura, Lenitza, tous ces gens-là, enfin Lenitza, c'est. Mais on a l'impression que. Voilà, aujourd'hui, c'est plus du tout ça, on travaille plus sur la forme, finalement. Et quand je vois les films de Platige imagés, enfin voilà, là, on a l'impression qu'on est juste sur le. Enfin, on est dans une forme très, très facile, entre guillemets, hein, très, très impressionnante. Et en fait, avant, il y avait la forme et le fond, quand je revoyais Rybczyński, tous ces gens-là. On essaie de provoquer, voilà, pardon, j'arrive à trouver. On essaie de provoquer au moins le spectateur, et il provoque encore le spectateur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la nouvelle génération a tendance à moins provoquer le spectateur. Ja myślę, że no to jest jakby cała istota tego, co robię, no bo nie chciałbym mówić rzeczy, które nikogo nie obchodzą. Mais la chose principale dont je parle, c'est exactement ça. Je n'ai pas envie de parler des choses dont personne n'a rien à faire. Mais est-ce que lui, évidemment, les nouvelles technologies sont importantes, mais je voyais un documentaire sur Danny Boy où on voyait, en tant que créateur, ne plus dire, ben là, on va avoir un bout de décor ailleurs qu'on va ensuite remettre par ordinateur. Ici, ne plus avoir peut-être la même chose que dans Dim. Est-ce que lui, ça l'embête ou pas du tout? Il trouve que c'est normal maintenant. Utiliser les Eux, techniques. les Téhouans, est-ce que par rapport à son niveau de création, parce que je me dis entre toucher les poupées, les décors, tout faire en même comme un petit théâtre. Et là, d'un seul coup, se dit, ah ben on va rajouter la lumière après, etc. Ja dodaję komputerowe efekty, ale tylko takie właśnie, które mogą ulepszyć obraz. Même moi, j'utilise les techniques d'ordinateur, mais c'est seulement les petits détails qui peuvent améliorer l'image. Pas sur des grosses choses, en To nie fait. są duże jakieś dekoracje, Nie, które się nie. To rusza. są efekty, typu efekty specjalne Par przede exemple, wszystkim. effets spéciaux. Comment on arrive à travailler sur des choses très personnelles, des petits courts-métrages, et travailler sur des choses comme Pierre et le Loup, qui sont des grosses productions, ou la dernière, The Flying Machine, The World Flying Machine, en tant que créateur, en tant qu'auteur? No, w moim wypadku to jakby włączyłem taki przełącznik w sobie i zacząłem robić duży film. Nie miałem jakby zupełnie jakichś oporów, lęków, wręcz przeciwnie, podszedłem do tego z entuzjazmem. Ça avait beaucoup d'enthousiasme que je me suis dit que je ferais d'autres choses. Il y avait une sorte d'interrupteur en moi que je changeais. Et je passais de petits films, courts-métrages, à des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandes. Comment ça se travaille quand même, des choses comme Pierre Leveux avec Suzy Templeton, avec une autre réalisatrice qui demande quelque chose? Comment, en tant que presque co-réalisateur, on a l'impression sur le film, je sais peut-être qu'il peut me contredire, mais comment il a travaillé? Jeżeli chodzi o Suzy Templeton, to ona ma podobny jakby obraz świata do mnie, podobnie czuje i rozumieliśmy się w sposób doskonały wręcz. Quand il s'agit de Suzy Templeton, ça s'est très très bien passé parce qu'elle a une image du monde exactement pareille que le mien. Elle voit les choses à peu près comme moi, donc nous avons travaillé très très bien ensemble. Alors, juste, je m'excuse, je ne veux pas. Par contre, j'ai vu la bande-annonce de The World, The Flying Machine. J'ai vu, et autant les parties animation sont étonnantes, autant les parties aux prises de vue réelles chantées sont absolument terribles. Est-ce qu'il les a vues? Qu'est-ce qu'il en pense? No, to było tak, że ja miałem na początku robić wszystko, ale na szczęście postawiłem się opór mocny i musieli zmienić umowę i zostałem odpowiedzialny tylko za ten taki półgodzinny film animowany, za inne animowane też nie, a tym bardziej za tą film pseudofabularną część, która mi się bardzo nie podoba też. Au début, on m'a proposé et je devais être responsable de tout le film. J'ai fait la résistance et je voulais qu'on change le contrat et je suis responsable que de la partie d'animation. Je refusais absolument de m'occuper des côtés acteurs et malheureusement je dois avouer que j'aime pas du tout la partie acteur. Donc est-ce qu'il regrette pas de pas avoir fait lui aussi la partie acteur? Czasami żałuję, ale jednak pierwszy raz tutaj. Pomimo, że to był drugi film robiony z Anglikami, pierwszy raz spotkałem się z taką silną presją producenta i wiedziałem, że nie wygrałbym i mogłoby dojść do jakiegoś niemiłego rozstania. Même si c'est la deuxième fois que je travaillais avec des producteurs anglais, c'est la première fois que je me suis rendu compte et je le savais en refusant. Que la pression de producteur elle était tellement forte que je ne pourrais jamais faire ce que je voulais faire. Et donc, mon choix était fait. Est-ce que c'est. Je crois que c'est la première fois que je vois ça de manière aussi évidente entre son travail de court-métrage et son travail de publicité. Il y a une énorme différence. Est-ce que c'est une volonté de ne pas travailler ses marionnettes comme il travaille dans la publicité, faire quelque chose de différent? Ou est-ce que c'est tout simplement les producteurs qui préfèrent ce style d'animation? Plus Hardman, vu qu'il avait travaillé, enfin voilà, plus cartoon, entre guillemets. W Polsce jest taka sytuacja, że jakby decydenci od reklamy nie mają jeszcze na tyle wyrobionej świadomości, że lansują to, co w autorze filmów jest najlepsze, tylko wynajmują znanego autora po to, żeby całkowicie robił to, czego nie robi. En Pologne, la situation est particulière parce que les producteurs ils louent les services d'un metteur en scène, d'un créateur, mais c'est pas pour utiliser sa création d'une meilleure façon, ça veut dire ça ce qu'il sait faire mieux, mais pour lui donner et obliger de faire des choses que eux, les producteurs, dont ils parlent, dont ils ont envie. Donc quand il fait une publicité, on lui dit, on lui donne le graphisme, on lui donne tout et puis... Film jest właśnie reklamowym, ma pan, masz nakazane w jakiś sposób, tak, jakie są marionetki, jak to jest zrobione? Wyraźne referencje i... Ja często muszę robić pod jakieś filmiki, które oni mi pokazują, to w ogóle jakby ja tego dobrze nie czuję. Malheureusement, ça arrive très souvent. Ça veut dire, ils arrivent quasiment avec les films, petits films qui me montrent qu'est-ce qu'ils veulent, et avec les références, avec les scénarios, avec tout ce que eux ils décident ce qu'ils veulent dans ces petits films publicitaires. Entre, j'ai vu qu'il y avait deux compagnies, Jim Henson Company et Hardman, où il avait travaillé, en tout cas il avait été à un moment donné. Pratsova, oui, juste pour compagnie. Donc Jim Henson, The Muppet Show, enfin celui qui avait fait. Pracowałeś? Nie, ja tam tylko byłem na stypendium, byłem obserwatorem, uczyłem się, nie Il était pracowałem. boursier, il était boursier, il observait leur travail. C'était, il travaillait pas pour eux. Et qu'est-ce que ça lui a appris, entre guillemets, entre changement entre tout ce qui se faisait plutôt à l'Est, on va dire, je ne sais pas s'il connaissait bien tout ce qui est marionnette de l'Est, évidemment ce qui se faisait en Pologne, mais aussi en Tchécoslovaquie. Qu'est-ce qu'il a appris par rapport à une manière de travailler qui, à mon avis, doit être complètement différente? Tak, to było coś innego. Po prostu oni technologicznie byli wtedy jeszcze bardzo do przodu w stosunku do Polski. Mais la chose la plus importante au début, c'était bien sûr la technologie. Par rapport à tout ce qui se faisait en Pologne, c'était très très avancé. W studiu Jima Hensona zobaczyłem, jak się robi maski z lateksu, jak się używa tworzyw, które jeszcze wtedy w Polsce nie były prawie znane. Surtout, j'ai appris comment utiliser les matériaux genre silicone, qui à l'époque en Pologne n'étaient pas du tout, ou presque pas utilisés. Natomiast w Hardmanie po raz pierwszy w życiu spotkałem się z systemem kontroli komputerowej, kontroli animacji. Tego też jeszcze w Polsce wtedy nie było. Chez Hardman, j'ai pour la première fois, j'ai vu un système de contrôle d'animation numérique. En Pologne, ça n'existait pas encore, donc c'est la première fois que j'ai vu comment ça marche. Wróciłem do Polski, to strasznie męczyłem wszystkich możliwych producentów, żeby takie nowości wprowadzić. Początkowo szło to bardzo opornie, ale myślę, że przyczyniłem się do tego, że to jednak i te tworzywa się szybciej pojawiły, no i ta kontrola animacji również. Quand je suis rentrée en Pologne, j'ai commencé à voir tous les producteurs pour les persuader que ce serait bien d'utiliser toutes ces nouvelles techniques, technologies. Au début, c'était un peu difficile, mais je pense sincèrement que c'est moi qui a persuadé au début tous ces gens-là que c'est bien de les utiliser. Donc c'est un peu grâce à moi que c'est arrivé en Pologne. Est-ce qu'il y a un vrai travail sur la marionnette dans les écoles en animation en Pologne? Tak, ale to jest dopiero od 3 lat i zajmuję się tym tylko ja. Ça existe seulement depuis 3 ans, il n'y a que moi qui les enseigne. D'accord. Natomiast co innego jest z animacją ogólnie, bo to już od dawna istnieje. Une autre sorte de, toutes les autres sortes d'animation, bien sûr, existent depuis toujours. Je parle vraiment de la poupée, de la Oui. marionnette. Alors, il y a deux choses que j'aimerais vraiment beaucoup parler. Il y a un parce que ça m'a, je l'ai revu et je trouve ça étonnant, c'est ce générique pour la chaîne culturelle polonaise avec les barreaux, ce que je trouve très dur à la fois et à la fois très beau. Et c'est une marionnette qui est complètement différente de ce qu'il utilise. Est-ce qu'il peut juste m'en dire un tout petit peu plus encore? No, ja nie wiem, czy on to widział w tak złej jakości jak ja tutaj na ekranie, bo tu połowy nie było widać. Ah, je ne sais pas si tu as vu ça aussi mauvaise qualité que ça existe, parce qu'apparemment ici c'est une qualité très mauvaise, donc on voit pas tout. D'accord. Oui, j'ai vu hier en fait lors de la. On a vu ça ensemble, Oui, hein, c'est ça. vidéo, tout ça Nie, filmé. to było po prostu okropna jakość. Tam połowy nie było widać, było czarno, nie wiem dlaczego. Et en fait, c'est une très très mauvaise qualité, c'était noir, la moitié de choses on ne voyait pas, donc c'est pas exactement D'accord. ce que j'ai vu. Ale ponieważ to był program kulturalny, on się nazywa Ogród Sztuk. Mais puisque c'est un programme culturel, ça s'appelle les Jardins des Arts. To tam się znajdowały po prostu elementy z różnych jakby obrazów, różnych malarzy. Tam są cytaty żywcem z surrealistów, z Boscha i to wszystko jest skomponowane w jedną całość. Donc en fait, dans ce petit court-métrage, c'est des citations de tous les artistes peintres. Il y a les morceaux de c'était de Bosch, des autres surréalistes aussi. Mais ça, c'est le générique, pardon, c'est le générique où on rentre dans les portes, non? Czy ty mówimy o którym? To jest. Co tak jedzie do przodu? Nie, to nie jest nie o tym. Ogród stół. Nie. Pytanie dotyczy tego człowieczka chodzącego po. A, tego człowieczka. A. To nie ten. To nie ten. Nie ten. Ten człowieczek, no ta stacja telewizja Kultura to się nazywa. C'est une chaîne culturelle qui s'appelle Cultura. Ona była na początku przynajmniej, bo to był początek tej stacji, kiedy ja to robiłem, była bardzo taka, chciała być taka bardzo awangardowa i dawała właśnie artystom robić jakby bliżej już tego, co robią naprawdę. C'est une station qui se voulait très avant-gardiste au début. Et c'est une chaîne télévision culturelle. Et c'était une, au début surtout, ils voulaient que les artistes fassent ce que ressent, ce qui est le plus proche de leur propre art. Ils ne donnaient pas ni d'explications, ni d'exigences des choses dont ils avaient besoin. A samo logo, to nie wiem, czy wiesz, że to były te pręty takie na końcu. Le logo de cette chaîne de cinéma, c'est cette barre qu'on voit à la fin. C'est pour ça, justement, cette image apparaît des petits personnages. Bon, j'ajoute un tout petit peu. Les personnages se retrouvent derrière les sept barres. C'est le logo, justement, I one, one, de la chaîne. one były w twórcach innych autorów. W filmach innych autorów jakby pokazywane na różnorodny sposób, różnymi technikami, ale zawsze film się kończył tymi pręcikami. Les autres auteurs, ils ont fait aussi les génériques pour cette station de télévision. Et chaque fois, le générique se terminait justement avec les sept barreaux. C'était fait avec des techniques complètement différentes. Mais en fait, c'est ça le logo de la chaîne. Sauf que là, on a quand même un petit personnage qui passe par un rouage à un moment donné et qui, on croit, va s'en sortir parce qu'elle arrive sur ce petit carré blanc, etc. Et elle se retrouve derrière ces sept barreaux. On a l'impression qu'elle est nouveau enfermée, donc c'est très étrange, de nouveau, ce côté claustrophobique qu'il y a dans les Ale films. tu w białej Tak. przestrzeni. Ona jakby wraca do punktu wyjścia, tylko to, że przeżyła tyle rzeczy po drodze, wcale jej jakby nie zbogaca, tylko zamyka ją już naprawdę. Ce personnage l'a passé, il a fait du chemin, il a vécu des choses différentes, mais c'est pas pour autant qu'il a évolué. C'est pour ça, même en arrivant de nouveau sur l'espace vide et vierge, quoi qu'il arrive, il se retrouve derrière les sept barreaux. Ce qui est pour une chaîne télé culturelle n'est pas forcément très optimiste. Znowu nie jest to rzecz bardzo optymistyczna Nie, dla programu kulturowego. ale program kulturowy nie protestował, było to emitowane. C'était montré, ils ont pas protesté. Donc ça a été. Alors, quand même, qu'on parle un petit peu au moins des influents, je sais qu'il n'est pas trop influencé. C'est vrai que là, dans ce petit, j'ai pensé aux frères Coué. Ja tego nie ukrywam Mais w je cache ogóle. absolument pas. Nie ukrywam tego, zawsze byłem nimi Je les zachwycony adorais, j'ai toujours i są été bardzo admiratif. duże wpływy, ale pilnuję się, żeby po prostu za bardzo się do nich nie zbliżyć, bo to by nie miało sensu. Je fais quand même attention pour ne pas trop s'approcher parce que ça n'aurait aucun sens. Ja myślę, że jest jedna rzecz, która mnie bardzo różni od nich. Może nie w obrazie, ale w kwestii przekazywania znaczeń. Il y a une chose, je pense qu'il y a une chose qui me différencie énormément d'eux, peut-être pas dans l'image, mais dans la façon de transmettre les idées. Oni pokazując jakąś postać, nie chcą opowiadać o jej przygodach. Eux, quand ils montrent un personnage, ne veulent pas raconter les aventures de leur personnage. Tylko odwołują się jakby do naszych przeżyć z dzieciństwa, to jest do tych najgłębszych podkładów, które w nas drzemią. Eux, ils veulent faire la référence à nos propres vécus, nos souvenirs d'enfance, des choses les plus profondément enfouies dans notre inconscience. I liczą na to, że po prostu te przedmioty nabierają innych znaczeń. Et eux, ils comptent que les objets qu'ils montrent, ils ont des significations différentes. Ja nie stosuję tak skomplikowanej rzeczy. U mnie ta laleczka jest laleczką i po prostu istotne jest to, co jej się przytrafia i co przeżywa. Moi, je fais les choses différemment. Pour moi, la poupée reste toujours une poupée et ce qui est important, c'est les vécus de la poupée, les histoires et les aventures que la poupée elle vit. I podobnie zresztą jak bracia Quay, którzy zresztą przyznają się do wpływu Schwankmajera. Et en même temps, probablement comme les frères Quay, que eux-mêmes ils parlent qu'ils sont influencés par Schleiermacher. Oni robią, mają tę samą filozofię co Schwankmajer, ale jednak zupełnie, znaczy nie zupełnie, ale jednak wyraźnie się różnią. Ils ont la même philosophie que Schwankmajer, et en même temps, ils ont la même philosophie, mais en même temps, ils sont différents de lui. Mais justement, lors de la rencontre, il disait qu'au début, il avait un peu imité les maîtres en se rendant compte qu'après, il ne fallait pas. Tak, myślę, że to w sztuce jest normalne i występuje wszędzie, od początku aż do dzisiejszych czasów. Mistrzowie są po to, żeby po prostu tworzyć następnych. Je crois que depuis que l'art existe, depuis toujours, les maîtres sont pour continuer quelque chose, pour aller plus loin que. Le cartoon justement et finalement la marionnette, qu'est-ce qui l'a fait basculer plutôt vers la marionnette? Est-ce que c'est parce qu'il avait vu justement des grands films de marionnettes ou non? C'était son rapport à lui avec la marionnette qui. Bo uważam, że nie potrafię w marionetce znaczy nie potrafię w filmie kartunowym powiedzieć niczego ciekawego. Nie zawsze przestrzenne sprawy w sztuce bardziej mnie interesowały. Parce que je considère que tout ce qui est cartoon, j'arrive pas à dire des choses intéressantes à travers des films comme ça. Tandis que j'étais toujours intéressée par tout ce qui est trois dimensions, tout ce qui est volume, et je pense que j'arrive à dire beaucoup plus de choses de telle façon. Zawsze byłem bardzo kiepskim malarzem, ale bardzo dobrym rzeźbiarzem. Par contre, je sais bien sculpter. Et donc, est-ce qu'il y a quelques noms comme ça qui l'ont inspiré? Filmu to może to dziwne, ale Fellini. Le film c'est bien sûr Fellini, même si ça peut paraître bizarre, c'est Fellini. Dlatego, że po prostu mówił historie proste, ale stworzył świat ludzi, którzy jakby byli prawie odczłowieczeni i częściowo już przypominali marionetki. On wyszukiwał aktorów takich, których się na co dzień na ulicy nie spotyka. Même si il racontait les histoires très simples, les acteurs qu'il choisissait, c'est les acteurs qui ressemblaient pas à un commun de mortel. Justement, il cherchait des gens qui ne ressemblaient pas à une beauté, les gens habituels. Donc, je pense que c'est les acteurs qui recommençaient à ressembler aux marionnettes. Dlatego też oprócz tego, że mówił historie bardzo wzruszające, c'était des histoires bien sûr très émouvantes. Przywiązywał niesamowitą uwagę do kreacji obrazu. Il était très attaché à la création des images. I w późniejszych jego filmach jest to mocno widoczne, bo w takim filmie jak Casanova czy Statek płynie, on już prawie wyraźnie jakby nawiązuje do jakichś form teatralnych. Tam już woda przestaje być realna, kostiumy i dekoracje w Casanowie też już nie są wnętrzami realnymi. To już jest kreacja obrazu bardzo mocna. À certains moments, il cesse de s'occuper des images réelles. En fait, il crée les décorations presque théâtrales qui sont absolument irréelles, comme dans Casanova ou dans le bateau. Évoque le navire. Évoque le navire. Ouais. Que l'eau cesse d'être l'eau. Et en fait, toutes les décorations sont absolument presque irréelles. D'ailleurs, je dis souvent que je pense que si Fellini était encore vivant, il ferait de l'animation aujourd'hui. Gdyby Fellini jeszcze żył, to dzisiaj robił również filmy animowane. Możliwe. Est-ce qu'il peut nous parler du film en tricot pour Greenpeace? Il a fait un film pour Greenpeace en tricot. Ça s'est passé comment? To jest film, który bardzo lubię, bo jakby myślę, że jak człowiek codziennie je mięso, to raz na tydzień chętnie zje jarzynę. I to na tej zasadzie powstał ten film. Je pense que c'est un film que j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut manger la viande toute la semaine, mais une fois par semaine, on peut manger que des légumes. I ponieważ pomysł mi się bardzo podobał, w przeciwieństwie do wielu reklam, które robiłem, to zgodziłem się na realizację z entuzjazmem i spróbowałem zrobić coś innego. Comme idée, il m'a vraiment enchanté. J'adorais cette idée. Ce qui n'est pas vraiment le cas de toutes les autres publicités que j'ai faites. C'est pour ça que j'étais d'accord pour le faire, parce que c'était quelque chose de nouveau et surtout très intéressant. Ta reklama, nie wiem dokładnie gdzie, ale wiem, że zdobyła dosyć dużo nagród i była, no tak, odbiła się jakby echem. C'est une publicité qui a eu beaucoup de prix, je ne sais pas où, mais j'essaie, on m'a dit qu'elle a gagné pas mal de prix, donc ça veut dire que c'était quelque chose qui a eu quand même beaucoup d'écho dans le monde. I faktycznie rzecz biorąc, to jest animacja bliska animacji lalki, bo jednak wełna, którą tam animuję, jest to także przedmiotem, nie rysunkiem. Et en même temps, c'est une animation qui m'est proche, parce que ça ressemble un tout petit peu à l'animation d'une poupée. Le coton, la laine, c'est un tout petit peu comme un objet qu'on anime avec ses mains, donc c'est quand même dans le cadre. Et puis, c'est incroyable, cette idée et la technique qui vont parfaitement ensemble, quoi. Idea, sama idea i technika bardzo świetnie się zgadzają ze sobą. Tak, no, to mi się podobało właśnie, że mogę to zrobić i zrobiłem to prawie, że non-profit. Nie robiłem tego dla pieniędzy, jak inne reklamy. Et ça m'a tellement plu que c'est une publicité que je fais sans profit, sans gagner de l'argent, parce que ça m'a tellement plu, enfin, contrairement aux autres publicités, bien sûr. Est-ce que quand on a fait pas mal de courts-métrages maintenant, même si certains sont plus courts même que ceux du début, puisque on peut faire jusqu'à une demi-heure, est-ce que l'envie aujourd'hui avec les techniques quand même de faire un long-métrage peut à un moment donné, enfin ça peut être une envie, pardon, ou alors est-ce que c'est vraiment une écriture qui mais pour le long-métrage, il n'a pas envie pour un long-métrage, ou est-ce qu'il aurait envie d'écrire ou pas du tout? Czy teraz po chwili? Myślałem początkowo, że już teraz zrobię długi metraż. Je pensais même au début que déjà maintenant je pourrais commencer à faire un long métrage. Ale jakby brak zainteresowania w studio Semafor spowodował, że zrozumiałem, że jeszcze teraz nie pora. Mais comme Semafor il était pas vraiment intéressé ni emballé par l'idée, donc j'ai bien compris qu'en fait c'est pas encore le moment. Po prostu w Semaforze mieli zamiar realizować pełnometrażowy film o Fryderyku Chopinie. A Semafor il voulait faire un film de long métrage sur Frédéric Chopin. I zrozumiałem, że nie ma miejsca na drugi film pełnometrażowy. Po prostu nawet gdybym złożył aplikację do instytutu, to nigdy studio nie może realizować dwóch pełnych metraży na raz. Et je me suis rendu compte que puisqu'il fait un long métrage, de toute façon, il n'y a absolument pas de place pour moi pour le deuxième long métrage, même si je faisais les demandes, même si j'ai fait toutes les démarches. Donc, je ne veux pas le faire. Dlatego też błyskawicznie wróciłem do pomysłu, który gdzieś tam głęboko w sobie nosiłem. Et c'est pour cela que je suis revenu à une idée qui germe en moi depuis très très longtemps déjà. I w ciągu lata, tego lata, napisałem scenariusz na podstawie opowiadania Kawki, Przemiana. Et c'est justement pour cela, pendant cet été, je travaillais et j'ai fait un scénario d'un nouveau film que je ferai. Et ce sera la métamorphose de Kafka. I znalazłem producenta, ponieważ w semaforze byli zajęci, to znalazłem innego producenta, który z entuzjazmem podszedł do projektu. Donc j'ai trouvé un producteur qui avec beaucoup d'enthousiasme il me soutient, donc semafor n'était pas vraiment intéressé, donc Są już podobno chętni w Niemczech, którzy chcą się dołączyć do produkcji. Il y a déjà des gens qui seraient intéressés en Allemagne pour financer la production. Ponieważ ja zamierzam zrealizować ten film z dialogami. Et ce sera un film avec des dialogues. I to będzie film zrobiony w języku niemieckim, bo chcę zachować oryginał. Comme je veux garder l'original de Kafka, donc ça sera en allemand. Dlatego zainteresowanie w Niemczech. Donc les gens en Allemagne sont intéressés aussi à cause de ça, bien sûr. Chcą też się dołożyć Czesi, ponieważ oni Kafkę uważają za czeskiego pisarza. Et comme les Tchèques considèrent que Kafka c'est un Tchèque, donc les Tchèques seraient intéressés aussi par la coproduction. Akcja opowiadania, tak mówią wszyscy znawcy, dzieje się w Pradze. Selon les connaisseurs, l'action se passe à Prague. Donc, Także jest to dla mnie takie wyzwanie. Film będzie miał pół godziny, to też duży. C'est un long film pour une animation, c'est une demi-heure. Donc pour moi, c'est vraiment un défi. I no, próba, pierwsza próba, kiedy lalka u mnie przemówi. Et c'est la première fois que mes poupées vont manger, vont parler. Ale myślę, że nie można już dłużej czekać na to, bo mam jakby w planie zrobienie pełnego metrażu i ciężko jest to zrobić bez dialogów. Et je peux plus attendre parce que j'ai un projet d'un long métrage et long métrage sans dialogue c'est très difficile. Donc c'est ça va aider finalement à et on a l'impression qu'en plus la métamorphose c'est une excellente idée, enfin ça peut bien aller avec le l'atmosphère justement. L'atmosphère en twoich filmów metaforyczna za będzie bardzo, jest to dokładnie bardzo, to tak, co dokładnie ty robisz. Jest to dokładnie to co robię. Sauf qu'en fait c'est un retour en, au début on était sorti en dehors de la chambre et là on y retourne finalement. Ale to jest powrót trochę, dlatego że wyszliśmy z pokoju i wracamy z powrotem. Wracam, ale nie boję się tego. Myślę, papa. Chodzi tylko o to, żeby... Ja naprawdę ubóstwiam prozę Kafki, a szczególnie jego opowiadanie, to opowiadanie. Je peux dire vraiment sincèrement que j'adore les écrits de Kafka et cette histoire-là, vraiment je l'aime. I mam straszliwą motywację taką silną, żeby po prostu zrobić to dobrze w tym sensie, żeby nie stracić nic z tego, co Kafka chciał powiedzieć. Et je suis très motivée et surtout je veux ne rien perdre ce que Kafka voulait dire dans son histoire. I pomimo, że jakby tekst, mój tekst scenariusza ma 20 stron, a opowiadanie około 80, to mam nadzieję, że zawarłem w nim wszystkie istotne niuanse, które Kafka chciał przekazać. Même si mon scénario a 20 pages et Métamorphose en a 80, j'espère, je suis presque persuadé que j'ai mis toutes les nuances et tout ce que Kafka voulait dire sur mes 20 pages. Bo uważam, że w tych niuansach zawarte jest to, co jest najwartościowsze. Nie jest to fabułka. Fabułka tam się w ogóle prawie nie liczy. Ważne są te drobne niuanse, które opowiadają o tragedii tego człowieka. Pour moi, la chose plus importante, c'est pas l'histoire qui est racontée, c'est vraiment ces petites nuances qui parlent de la tragédie du héros. Oui, donc on revient à c'est justement ce qu'il y avait déjà dans Dim, en fait, le fait de dire plein de petites choses dans les interstices en fait de vie plus que des grandes choses. Tak, to jest, a nie cała historia. Nie, to jest, ja to napisałem w ten sposób, że nie będzie się czuło, że opowiadanie jest pocięte, że coś zostało wyciągnięte. Vraiment, j'essaie d'écrire de telle façon qu'on puisse pas sentir qu'il y a quelque chose qui était coupé, qui n'existe pas, qu'il y a une sorte de continuation. Et on Normalement, si tout se passe bien, on le verra. Il sera fini quand? Kiedy Si będzie tout se passe bien, skończony film? évidemment, Jusqu'à będzie w porządku, oczywiście. Już jest tak, już jest plan produkcji ustalony i ma być w połowie 2013 roku skończony. Skończony. Le projet de production est déjà fait et mi-2013 va être fait. Merci beaucoup. Je sais pas comment on dit merci. Hein. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Merci infiniment. Proszę bardzo. Puis merci pour la traduction.